Hélas! Napoléon, sur sa garde penchée, regardait. Et sitôt qu'ils avaient débouché sous les sombres canons, crachant des jets de soufre, voyait, l'un après l'autre, en cet horrible gouffre, fondre ses régiments de granit et d'acier, comme fond une cire au souffle d'un brasier. Ils allaient, l'arme au bras, front haut, grave, stoïque. Pas un ne recula. Dormez, morts héroïques. Le reste de l'armée hésitait sur leur corps et regardait mourir la garde. C'est alors qu'élevant tout à coup sa voix désespérée, la déroute, géante à la face effarée, qui pâle, épouvantant les plus fiers bataillons, changeant subitement les drapeaux en haillons, à de certains moments spectre fait de fumée, se lève grandissante au milieu des armées. La déroute apparut au soldat qui s'émeut, et, se tournant les bras, cria « Sauve qui peut !» Sauve qui peut. Affront, horreur, toutes les bouches criaient. À travers champs, fous, éperdus, farouches, comme si quelque souffle avait passé sur eux, parmi les lourds caissons et les fourgons poudreux, roulant dans les fossés, se cachant dans les seigles, jetant shako, manteau, fusil, jetant les aigles, sous les sables prussiens, ces vétérans, au deuil, tremblaient, hurlaient, pleuraient, couraient. En un clin d'œil, comme s'envole au vent une paille enflammée, s'évanouit ce bruit que fut la grande armée. Et cette plaine, hélas, où l'on rêve aujourd'hui, vit fuir ceux devant qui l'univers avait fui. 40 ans sont passés, et ce coin de la terre, Waterloo, ce plateau funèbre et solitaire, ce champ sinistre où Dieu mêla tant de néant, tremble encore d'avoir vu la fuite des géants. Napoléon les vit s'écouler comme un fleuve. Hommes, chevaux, tambours, drapeaux. Et dans l'épreuve, sentant confusément revenir son remords, levant les mains au ciel, il dit « Mes soldats morts, moi vaincu, mon empire est brisé comme un verre. Est-ce le châtiment, cette fois, Dieu sévère ?» Alors, parmi les cris, les rumeurs, le canon, il entendit la voix qui lui répondait « Non !»